c'est pour toi que c'est tout bad. Parce qu'avant j'arrête, on verra venir la seconde venue de Jésus et tout bad. Je t'amène du jamais vu, qui pourrait rester du jamais vu. Ouais. Tu m'as dit jamais plus, malheureusement je t'en amène plus. Épices, épices, c'est tout ce que tu fais. Car toutes mes pistes, épices, sont tout ce que tu fais. Ce que je réponds à tous tes commentaires, c'est veux du papier. Qu'est-ce que tu veux, je te pas hate, je fais dans pur THC. Quand j'ai pas crayon, je pogne une arme à feu et je la pointe. Ouais. Sur ma tempe, puis je fais feu sur ma tête. Ouais. Ça fait clac, ça éclate, mes pensées éclatent sur feuille de papier. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, je suis pas bien, je suis un petit peu détaché. Je suis toujours étourdi sur des tonnes de huge streams. À part le bol, ma seule drogue, c'est la musique. Si t'en blanche, mais quand le beat est on, c'est là que tu as. Je suis dans mon monde, comme mon monde qui danse pour carré de sable. Yeah. That's what's up, my guy. En fait, j'aime que tu me détestes, ça me fait gicler dans mon caleçon. Oui. Ma présence te nuit comme Rick James dans ton salon, porte ton couche. Je me trouve ben drôle, fait que je continue. Même si pour toi c'est juste des flots, même gros mots sans contenu. Non. Mais y'a des vautours qui volent autour de moi sans cesse. Alors je suis rassé d'être, mais je suis con, c'est bon qu'on boule. Bon, je t'avoue, je suis loin d'avoir le français de Molière. Mais chaque parole charme ta salope sans problème. Je l'amène au bar, on pète au moins 11 bières. Et t'es tourdi, excellent, je mets des roofies dans mon verre. Y'a pas plus vêche que moi, homie. Pourquoi tu pointes du doigt quand tes mains sont sales aussi? Ah, t'aimes ton trash, tu veux parler, parle. Je t'ignore pas, va, je m'amuse librement dans mon carré sale. Yeah. That's what's up, my gang, check this off, my gang. T'es pas trop down, t'es pas mon vibe, stop, my gang. Stop ton trash, c'est bon, tu veux parler, parle. Sans ton vache, j'en veux mot dans mon carré sale. That's what's up, my gang, yeah. That's what's up, my gang, yeah. That's what's up, stop ton trash, c'est bon, tu veux parler, parle. D'amour, ni un exto là. Moi pour m'arrêter, faut la Gestapo pis lesbo là. Avec mes chansons, je reviens hanter le rap game. Pour me cote les femmes d'expérience comme si j'étais Francis Martin. J'suis tout fait pour que le party punk. Tu me suis. J'ai même invité Cardi Card sur le beat. On vient de la rive sud de Montréal. On distribue de la bombe légale. On est fat, mais à cause du web. Le business sur nos comptes épargne. Back to basic, type de son des 90. J'ai gardé le même style parce qu'à force de changer le rap, bien sick. J'ai encore plein de rhymes à cracher en show. Tu pourrais pas me battre. Même si j'avais le mic attaché dans le dos. C'est les salles m'emmènent. Tu filmes les arabesques. Devine qui se la ramène. Sur un beat de Fat Fadet. Comme d'hab au-dessus le vibe. Un autre bon track sur le mic. One time for your mind. C'est cardinal. C'est qui vise le top comme Obama. So back off. Parce que c'est cardinal. Qui était mort, là tu vois qu'il était pop. C'est cardinal. Comme d'avant tu le vibe. Un autre bon track sur le mic. One time for your mind. Cardinal. Ok, tu me casses les couilles, je vais t'appeler Barbara. Quand que je rappe, ta baffe couille comme ton mascara. C'est une mascarade, pas fait pour les bitches de luxe. Fait que je te hate, t'es aussi fake qu'un match de lutte. Mauvaise manie, call me Rami, raise money. Me laisse l'ami, je fous le mic en laisse la nuit. Détail chérie, je te bute en deux daiquiri. Tu sonnes cheesy, on créerait la vache qui rit. Oiseau de malheur, moi quand je rappe c'est ben de valeur. Mais bitch, je te cloue le bec, je te transforme en maître valeur. Je fais pas de cadeau, vas-y homo, sauve ta peau. Quand tu renforts, je suis aussi fort que la Gestapo. Y'a de la tension dans les airs, t'oublies quelque chose d'élémentaire. Ta seule chance d'avoir un flow, paye une pension alimentaire. Le mic pour les autres, t'es broke. Pogne une fouille d'or, t'es comme une flotte. C'est cardinal, mais qui vise le top comme Obama. So back off parce que c'est cardinal. Dans mon école, on n'a pas été un truc là. On n'achète pas son auréole avec un cardinal. C'est le retour du hip-hop. Tu croyais qu'il était mort, là tu vois qu'il était pop. C'est